Léonce Vitariho. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition dont voici d'abord les principales articulations. L'Organisation des Nations Unies s'inquiète de la situation des droits de l'homme au Burundi. Dans ce journal, et nous reviendrons sur le rapport publié mardi, lequel est rejeté par le gouvernement burundais qui dit qu'il s'est focalisé uniquement sur la version des opposants. Des responsables des partis politiques demandent le rapatriement des négociations entre protagonistes au conflit burundais, mais le parti Parena, lui, dit qu'il répondra à l'appel de la médiation à Arusha. Le député Fabien Banchilganino de la circonscription de Ubanza ne voit pas l'intérêt des réunions de sécurité qui se déroulaient tous les mardis dans sa province. Il explique que malgré tout, la sécurité continue à être perturbée. Et puis, une maladie jusqu'ici inconnue a déjà fait 38 vaches tuées en une période ne dépassant pas trois semaines. Nous sommes à Wulinga de la commune Gihanga en province de Ubanza. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette édition. L'Organisation des Nations Unies s'inquiète de la situation des droits de l'homme qui prévaut au Burundi. Dans un rapport publié hier mardi, elle redoute ce qu'elle qualifie de génocide et de probables crimes contre l'humanité, ce que rejette en bloc le gouvernement de Bujumbura. Celui-ci estime que le rapport onusien s'est focalisé sur les versions des opposants. Les précisions de Marie-Ange Nzeiman. Dans un rapport publié ce mardi, l'ONU ne cache pas ses inquiétudes sur la situation au Burundi. Une mission d'enquête onusienne a conclu à des violations graves des droits de l'homme, constantes et systématiques du gouvernement burundais. Ces experts onusiens ont même mis en garde contre de possibles crimes contre l'humanité et un grand danger de génocide. L'impunité étant omniprésente, déplore-t-il. Le rapport fait état d'un niveau global d'oppression et de contrôle de la société qui a augmenté. Cela se traduit par la privation arbitraire de la vie, des disparitions forcées, couplées à des allégations crédibles d'existence de lieux de détention non reconnus, les cas de torture et autres formes de mauvais traitements et les détentions arbitraires à une échelle massive. Ce rapport couvre la période d'avril 2015 à juin 2016. Le gouvernement burundais réplique : ce rapport en soi est déséquilibré relativement à l'échantillonnage des personnes interrogées, qui sont pour la plupart des opposants au gouvernement ou des Burundais réfugiés au Rwanda. Le Burundi note que ce rapport contient des allégations graves contre son gouvernement, ses autorités et ses services de sécurité, ainsi qu'à l'endroit de la jeunesse Imbonerakure, qui sont pointés du doigt dans ces violations. Il indique aussi que l'ONU ne tient pas compte du rôle du Rwanda dans le conflit burundais. Certains responsables des partis politiques demandent le rapatriement des négociations qui ont été lancées à Arusha entre les différents acteurs de la vie du pays. Lors de la rencontre de ce mardi entre le ministère de l'Intérieur et les représentants des partis politiques agréés, d'autres ont parlé de l'intolérance politique qui fait parler d'elle dans certaines régions. Oban Nyonguru. Nous attendons qu'il y ait certains membres des partis politiques qui se disputent ou qui se jettent des pierres. La question d'intolérance politique a été évoquée par la représentante du parti RPB Nure Nganyue au cours de cette réunion. Pour Jeanne Françoise Niramewa, la cohabitation n'est pas bonne entre les membres de certains partis politiques qui se disputent de temps en temps. Nous sommes préoccupés d'entendre qu'ici et là, les membres de certains partis se chamaillent. Vous qui êtes chargé de la formation patriotique, nous vous demanderions de faire un programme de renforcement des capacités sur la tolérance entre les membres des partis politiques. Pour le ministre de l'Intérieur, la cohabitation est généralement bonne. Si cela existe, Pascal Barandaguié dit qu'il s'agirait d'un cas isolé. À vrai dire, si cela existe, c'est un cas isolé. Mais il arrive que dans une commune quelconque, deux personnes se disputent. S'ils sont deux partis politiques différents, cette affaire est directement politisée. Les autres responsables des partis politiques ont demandé la fusion des négociations d'Arusha avec le dialogue interne. Pasteur Habimana est du parti FNL Iragija Gahutu et Adrien Ndayiragije est du Frolina. Nous demandons au président Mkapa de venir ici et chercher les moyens pour la CNDI. Il est le facilitateur. Qu'il rapatrie les négociations. Nous demandons que les négociations se poursuivent dans le pays. Et si elles continuent à l'extérieur, que le facilitateur vienne rencontrer d'abord les représentants des partis politiques qui opèrent dans le pays. À ce propos, le ministre Bananda Guillé demande à ses responsables des partis politiques de soumettre cette question aux facilitateurs. Du côté de l'opposition, Aubin, le président du parti Parena, trouve que les négociations entre protagonistes au conflit burundais n'ont pas pu avoir lieu sur le territoire national parce que le gouvernement lui-même ne l'a pas voulu. Zenon Imona affirme en outre que le gouvernement n'a pas la volonté de négocier avec ses opposants. Il indique que son parti répondra à l'appel de la médiation pour les pourparlers d'Arusha. Suivez-les, il est au micro de Dorine Ndeirolere. Contrairement au dialogue et aux négociations qui ont abouti aux accords d'Arusha, où les opposants au régime ne voulaient pas répondre rapidement aux négociations, actuellement c'est le gouvernement qui traîne les pieds, alors que c'est en principe c'est le gouvernement qui devrait être le premier à réclamer un dialogue inclusif et réel pour que le pays connaisse une situation d'accalmie, de paix permanente, de nature à permettre aux investisseurs tant nationaux internationaux de s'activer chacun suivant ses orientations. Il y a des partis politiques qui demandent le rapatriement de ces négociations sur le territoire national. Qu'en dites-vous? En principe, les négociations ou le dialogue suivant les termes des uns et des autres devraient avoir eu lieu au Burundi depuis très longtemps. Si les négociations se sont déplacées à Arusha, c'est parce que le dialogue intérieur n'avait pas abouti. D'où il faut effectivement poursuivre le dialogue à Arusha, quitte à le rapatrier. Le rapatriement est nécessaire pour que les Burundais comprennent exactement qu'est-ce que les politiciens se sont dit à Arusha, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Je pense qu'à Arusha, on amènera quelque chose d'acceptable pour tous les Burundais. À quand espérez-vous réellement négocier avec le gouvernement qui ne vous reconnaît pas en tant que Parena? Non, le gouvernement reconnaît le Parena comme parti politique. Dès que la médiation appelle à nouveau à une nouvelle session, le Parena répondra présent. Et il a des propositions concrètes pour la résolution de la crise suivant les accords d'Arusha. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, le député Fabien Banchilganino qui a été élu dans la circonscription de Ubanza ne voit pas l'importance des réunions de sécurité qui se déroulent tous les mardis dans sa province. Il explique que malgré tout, la sécurité continue à être perturbée. Fabien Banchilganino demande plutôt aux autorités provinciales de convoquer une réunion d'évaluation en vue de voir ensemble s'il y a ou pas la nécessité d'organiser ces rencontres tous les mardis. Il est traduit en français par Alain Désiré Boukayenez. Dans cette réunion, j'ai dit que je ne vois pas d'importance dans la réunion de chaque mardi, puisque venir toujours parler à propos de l'état des lieux sans toutefois trouver solution, c'est pour cette raison que j'ai demandé au gouverneur de province de convoquer une réunion des chefs de différents services afin d'évaluer la nécessité de la réunion de chaque mardi. J'ai dit en outre qu'avoir les moyens dépensés lors des travaux communautaires, il est incompréhensible que cela peut continuer ainsi. Le mieux serait que ces travaux soient organisés au niveau des collines afin que les autorités viennent pour contrôle, comme c'est le cas des inspecteurs des écoles. Puisque tous ces véhicules consomment du carburant, il y a des frais de mission, tout ça constitue des charges qui n'étaient pas nécessaires. C'est pour cela que je disais que cela peut être considéré comme une propagande. J'ai également parlé à propos de la criminalité. J'ai évoqué dans cette commune le cas de cette personne, non pas emportée par une mort naturelle, mais tuée par des criminels. Personne n'a commencé d'enquête pour établir les circonstances de la mort de ces personnes. Personne n'a encore venu en aide aux familles éprouvées, ni le chef de colline, ni le gouverneur de province, ni l'administrateur communal. La population est malheureuse puisque les vies humaines sont emportées sans toutefois savoir la cause. J'ai dit qu'il devrait procéder au désarmement. À chaque colline, il y a des armes. Le mieux serait de procéder au désarmement. Le gouverneur de Bubanza dit de son côté que ces réunions de mardi sont nécessaires. Il indique que des armes illégales, notamment, sont saisies dans sa province. Et pour ceux qui se lamentent que des enquêtes n'aboutissent pas pour les leurs disparus dans des conditions qu'ils jugent obscures, il les appelle à approcher les instances habilitées. Suivez Tarcisse Niongabo, c'est le gouverneur de la province Bubanza. Notre province est dans la tranquillité. Ce n'est pas parce que nous tenons des réunions chaque mardi qu'il y a des problèmes de sécurité dans la province, mais c'est pour le maintien de l'ordre et de la sécurité dans notre province, pour que la paix règne et reste telle qu'elle est, pour prévenir. Sinon, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une situation qui doit s'améliorer, il n'y a pas une situation alarmante du point de vue sécuritaire dans notre province. Nous sommes dans la paix, nous sommes dans la sécurité et nous sommes dans la tranquillité. Ils ont dit qu'il y a des armes détenues par la population qui n'a pas le droit justement de garder des armes et qui ne sont pas retirées. Quand quelqu'un dit qu'il y a des armes qui sont encore détenues par quelques personnes, nous pourrions alors l'interpeller afin qu'il puisse pointer le doigt à ces personnes détiennent encore ces armes dans notre province pour que nous puissions les récupérer. Sinon, généraliser, c'est facile. Le député a souligné qu'il y a des gens qui sont tués, mais à la fin, on attend le résultat des enquêtes et des enquêtes n'aboutissent pas. Et les enquêtes aboutissent, mais des fois, il y a des personnes qui ne savent pas où recevoir ou demander le rapport des enquêtes. Il y a ceux qui font les enquêtes, ce sont les OPJ, mais ce sont aussi le parquet. Alors, combien de fois s'est-il rendu au parquet pour demander l'état d'avancement de telle et telle autre enquête et qu'il n'a pas de réponse? Restons dans la province de Wanza pour vous dire que 38 vaches sont déjà mortes en une période de 3 semaines sur la colline Wulinga en commune Gianga. Elles ont été attaquées par une maladie jusqu'à présent inconnue selon les responsables vétérinaires qui ajoutent qu'ils ont commencé à examiner les cas même s'ils n'ont pas encore eu de résultats. Les mêmes responsables disaient que ça pourrait être la maladie dite du charbon. Les détails c'est avec Space Caritas Kabanyan. Cette maladie, jusqu'à présent inconnue, se manifeste chez les vaches de race améliorée et celles de la race encorée par des saignements de nez et du rectum, ainsi qu'une grande chaleur, comme le précisent les éleveurs de la colline Wulinga. Et selon des sources sur place à Wulinga, 38 vaches sont mortes dans 3 semaines seulement. Une vache atteinte meurt dans 2 jours. Les responsables vétérinaires déplorent le fait que ces éleveurs n'ont pas annoncé ou concerné cette situation à temps, mais aussi ils déplorent le fait que ces éleveurs se pressent à abattre et à vendre de la viande sans même expertise, risque de causer des problèmes aux consommateurs. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Wanza nous a appris que les techniciens vétérinaires du laboratoire national se sont rendus sur les lieux ce lundi, mais qu'ils n'ont pas pu trouver de cas à prélever. Mais ils pensent que cette maladie pourrait être la maladie appelée maladie du charbon. Les responsables vétérinaires mettent en garde ces éleveurs qui vendent de la viande en dehors de la loi et que celui qui sera appelé sera sanctionné conformément à la loi. C'est Caritas Kabanyana, Wanza, Radio Isanganiro. Merci Space. Même si les jeunes jouent un rôle dans la déstabilisation de la paix, ils peuvent également fournir une énorme contribution dans la consolidation de la paix. Cela est dit par Patrick Hajayandi, représentant des jeunes dans la région des Grands Lacs au sein de l'Institut pour la justice et la réconciliation basé en Afrique du Sud. C'était lors d'un atelier sur la jeunesse et la paix durable organisé à Bujumbura en partenariat avec l'Université Espoir d'Afrique, lequel atelier a commencé ce mercredi. Suivez Patrick Hajayandi. L'objectif essentiel de notre atelier, de cette initiative, c'est avant tout de lancer un message pour dire que si les jeunes dans le passé ont joué un rôle négatif dans les conflits, dans les destructions, dans les violences, aujourd'hui cette tendance peut changer. Donc les jeunes peuvent jouer un rôle très important dans la préservation de la paix. Notre rôle donc a été essentiellement de créer une plateforme pour que les jeunes qui viennent des différentes universités puissent se rencontrer et puissent parler, puissent réfléchir sur le rôle qu'ils peuvent jouer afin de d'arriver à des conclusions, de déterminer des actions concrètes qu'ils peuvent poser pour contribuer réellement à la paix, non seulement au Burundi, mais dans toute la région. Alors, l'appel que je lance à la jeunesse aujourd'hui, selon un adage, on dit qu'il n'y a pas de chemin vers la paix, mais la paix est le chemin. Donc, la paix, la stabilité devraient être des thèmes centraux qui vont nous guider, qui doivent guider la jeunesse dans tout ce qu'ils font, parce que si nos pays restent à l'état actuel, si on continue à nous déchirer les uns les autres, si on continue à être impliqué dans la violence, il n'y a pas de chance que notre pays ou bien notre région se stabilise. Et quand il y a absence de paix, ce sont les enfants qui souffrent en premier lieu. Tels sont les propos du représentant de l'association Sogepae qui s'occupe de la protection des enfants. Ce mercredi, à l'association de la célébration de la journée internationale de la paix, David Ninganza indique que cette journée coïncide avec des réunions de paix organisées à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Les détails, c'est avec Christella Nizigama. À l'occasion de la célébration de la journée internationale de la paix, l'association Sogepae, qui s'occupe de la protection des enfants en collaboration avec GIZ, organise une campagne de la paix auprès de 100 élèves des différents établissements des écoles publiques et privées de la province de Bujumbura, Mairie et Makamba. Comme l'indique le représentant de cette association, le choix de ces provinces n'a pas été au hasard. David Ninganza fait savoir qu'en l'absence de la paix, ce sont les enfants qui en souffrent. La journée internationale de la paix, c'est vraiment une journée significative aux enfants. Quand il y a l'absence de paix, ce sont les enfants qui souffrent en premier lieu. Ce sont les enfants qui deviennent des orphelins. Ce sont les enfants qui embrassent la rue. Ce sont les enfants qui commencent la responsabilité à temps, donc les enfants chefs de ménage. Ce sont les enfants qui subissent des actions de violence sexuelle, de toutes sortes de violences. Les enfants qui sont avec nous aujourd'hui, on a ciblé. Ce sont les enfants qui nous ont représentés dans les tournois de paix qui se sont déroulés dans ce région. C'était exactement au Rwanda. En 2014, nous avons été représentés par ces enfants. 2015 aussi, le Burundi était représenté. Quelqu'un qui a besoin de construire, il s'appuie à la jeunesse. Quelqu'un qui a besoin aussi de détruire, il s'appuie à la force de la jeunesse. C'est la raison pour laquelle notre objectif, c'est de dire aux enfants d'oser dire non en cas de non, d'oser dire oui en cas de oui, et surtout de prendre la parole eux-mêmes en cas de difficulté, même en cas de conflit, pour voir comment assurer la gestion pacifique des conflits. Signalons que cette journée a pour thème « Objectif de développement durable, composant de la paix ». Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Aimé Toussaint Mitewoussi pour la parfaite collaboration technique. Excellente soirée à tous. Au revoir. Léonce Huitaliho.